La délégation de l'Union des jeunes communistes Ho Chi Minh du Vietnam, conduite par Vinh Mai Dung, secrétaire permanent de son comité central, a visité le 20 courant le Palais du Soleil de Kumsusan pour formuler l'hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.